Pour vous, donc on est le mardi soir sur la plage. Je vais faire un travelling à travers l'installation de Giuseppe du côté de la guinguette de Antonio avec toute l'équipe de bière et de Pourbou qui est rassemblée à table là-bas. For the American people, after the scrutiny and education of this campaign, during which they will be able to see through the fog of misrepresentation and demagoguery, we fail to recognize the true français, anglais. Ça mantiene tout. Métaphora. La nuit avait été consacrée à visionner la télévision le match URSS-Canada et ce matin, c'était le drame. Je vous rappelle brièvement ce qui s'est passé à la suite de la conférence de presse qui vient de se tenir il y a à peine une demi-heure. C'était à 4h30 que des déflagrations ont été entendues au village olympique. Le bilan vient, il y a un mort, un membre de la délégation australienne et un président.